et vouloir jouer sur la gamme, et vouloir jouer sur la gamme. Toujours rester poli, toujours rester poli, toujours rester poli. La plus belle histoire d'amour, c'est vous. Violent constat d'indifférence personnelle. Aimer tout le monde, mais pas jusqu'au bout. Brûler le cœur, se contenter du superficiel. Se proclamer amoureux universel. Les jeux humains n'ont pas de tabou. Sans pouvoir honorer aucune d'elles. Mais je vous aime tous, moi. Pas vous ? Salaire, et aucun ne travaille que pour vous. Et alors d'abord, finalement, aucune prière, pour vous, pour moi, pourquoi vouloir tomber à genoux? La peau plâtre de l'amour pour cacher votre misère, je, tu, nous, vous. Ce biais de l'inébranlé, sans même construire, se rappeler d'hier, pauvreté affective, mais avec tant d'amis. Et vouloir jouer sur la gamme, mais toujours rester poli. Regarde, ma belle, je t'aime plus que la vie. Trouver nos jambes. Ne pas savoir de qui faire un X. Le roi de la multiplication. S'étreindre pour une hier, pour l'autre aujourd'hui. C'est hier, moi, c'est hier. Et là, nous sommes des mouvements sans réelle émotion. Fou de colère. Se targuer. Si, si, aujourd'hui, je l'ai joué. Pas faire, pas vivre, pas oublier. Plus que tes yeux, des jours d'attente. Le reste, ce n'est plus toi, ce n'est plus toi. Juste du parchemin touchant, soufflant, craquelé, caricature de ta peau. Mais t'es douce, ta peau. L'égoïste du cœur est aussi de qui. Se retourner. C'est quoi ton nom, chérie? Peu importe, les sentiments sont à la rue. De vouloir jouer sur la gamme, mais toujours rester poli.